chez toi quand tu veux de la musique. Qu'est-ce que t'as pour faire tourner tes sillons noirs? Pas grand-chose, je parie. Ça vous gêne pas si je mets un peu de musique? Oh, that was cool. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Monsieur, quand on est jeune, on chante et on danse. Vous aimez mieux les disques que la radio? Tais-toi, je réfléchis. Les petits cons qui veulent aller plus vite que la musique, ben ils se cassent toujours la gueule. Salut toi, est-ce que ce serait pas le moment où je me lance dans le podcast en solitaire? Je crois bien que si. Je m'appelle César, je sais pas si tu me connais, peut-être m'as-tu déjà entendu dans des émissions podcastiques telles que Le Pavé dans la Toile, Le Podcastor ou encore Plaisir Coupable. Si tu as eu cette chance ou non, bien écoute, je t'en remercie, je suis très content de te retrouver. Si tu n'as aucune idée de qui je suis, eh bien sache que je suis encore plus content parce que ça veut dire que je ne te connaissais pas il y a quelques instants et que maintenant je te connais un petit peu plus. Je me lance donc dans la grande aventure du podcast en solitaire et je fais quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit temps. Et avant toute chose, j'aimerais tirer un grand coup de chapeau à mon ancien collègue et ma foi ami Grégory Delpech, grand amateur de radio et surtout grand amoureux et passionné de la musique, qui m'a un petit peu donné cette idée de podcast. Je vais faire un podcast qui va parler de musique, mais pas de n'importe quelle musique, de musique en vinyle. Alors tu me diras pourquoi est-ce que tu t'emmerdes, tu pourrais aussi très bien foutre des fichiers MP3 et ça serait exactement la même chose. Eh bien non. Il y a toujours, avec le vinyle, il y a ce côté, j'allais dire super organique. J'ai envie de me frapper, je suis pas un DJ berlinois, bordel. Bref, je vais vous faire écouter quelques petits vinyles à moi, quelques petits morceaux que j'ai, tout en sachant que vous devez savoir que la sélection musicale est totalement subjective, que c'est juste une sélection musicale qui est chère à mon cœur, puisque dans mes vinyles, j'ai autant de trucs super chelous, mais qui me font kiffer, que de grands classiques. Là, je suis en train de regarder, par exemple, l'album de Gilberto Getz, donc fait par Joao Gilberto et Stan Getz, qui est, je pense, l'un des albums de Bossa Nova les plus connus de toute l'histoire, et que je pense qu'il n'y a plus un mec sur Terre qui aime la chanson La Garota de Ipanema tellement il l'a entendue. Je sais que Alain Chabat a une inversion pour la Nova, alors que moi, j'ai pas du tout une aversion pour Alain Chabat. J'adore ce mec. Je sais plus, j'avais entendu dans une émission qui se foutait de la gueule de la bossa et de la salsa. Je sais plus, c'était sur Burger Quiz. Je vais te retrouver l'extrait. C'est quoi, si je vais chercher là? Si je te retrouve l'extrait, je te le balance maintenant. En fait, j'ai un truc qui me hérisse, c'est la quicka me hérisse. Le ça me. Ça, oui, ça, ouais. Oui, ça, et les trucs un peu sirupeux brésiliens. Oui. Du jouer à vous. Ça m'enlève l'énergie. Voilà, ça c'était l'extrait donc, que j'ai réussi à retrouver. Bref, ça m'a fait marrer ce truc. Mais on s'en branle. C'était juste pour dire qu'il y aura tout. Moi, je voulais me faire un petit lancement, genre bienvenue dans gna gna gna, le nom de l'émission, mais j'en ai encore aucune idée. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est aller choisir un petit vinyle. Je vais aller chercher mon bac et on va se l'écouter. Ouais, je pense que pour l'épisode 1, du coup, parce que là c'est l'épisode 0, je choisirai les morceaux que je veux mettre avant. Mais là j'ai quand même une petite idée. C'est un vinyle, un album qui s'appelle The Many Facets by Roger. C'est de la disco funk un peu chelou. Donc pour la musique, parce que c'est quand même méga bien, et surtout pour cette putain de couverture d'album, quoi. Juste pour te le décrire, c'est un mec qui a une coupe afro incroyable avec une petite moustache. C'est un peu Prince, quoi, tu vois, genre dans le style vestimentaire. Et puis peut-être dans la moustache aussi. Après, il fait un peu plus bourrin, quoi, mais bon, il fait moins précieux que Prince. Voilà, The Many Facets of Roger. Et donc le mec qui fait ça s'appelle Roger Troutman. Et en fait, moi j'ai eu de la chance quand je me suis un peu lancé dans le fait d'acheter mes vinyles moi-même et pas juste écouter ceux de mes parents quand je suis parti de la maison, et notamment quand je me suis installé sur Paris, c'est que j'ai découvert un magasin de vinyles juste à côté de chez moi. Alors moi j'habitais à La Fourche, dans le 18e, et j'allais souvent dans le 17e, du côté de la rue des Dames, et j'ai découvert un magasin de vinyles absolument extraordinaire qui s'appelle Groove Store. Alors je sais pas s'il est fermé, les rares fois où je suis passé devant dernièrement, le truc était baissé. Mais voilà, et en fait, je me suis fait pote dès le premier jour avec le mec. Je voulais pas directement aller sur Discogs et m'acheter des vinyles Super Rush que je connaissais. Et en fait, le mec qui dirigeait ça, ou qui dirige ça, je ne sais pas, il m'a un peu pris sous son aile. Et moi, je lui ai dit, bah, bonjour, moi, j'aime bien la disco, j'aime bien la funk, j'aime bien le jazz. J'ai envie de découvrir des trucs et pas forcément m'acheter des choses que je connais. J'ai pas forcément beaucoup de thunes. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Et le premier jour, je me rappelle, c'est l'un des premiers vinyles que j'ai acheté, celui-là, The Many Facets of Roger. Il m'a dit, bah, tiens, écoute ça. Tout est absolument magique sur cet album. Il n'y a rien à jeter. Face A, face B, c'est absolument génial. Il y a 6 chansons dessus. En tout, il dure 40 minutes. Je sais même pas laquelle mettre en fait. J'hésite entre Do It Roger ou Blue, qui est la dernière de la phase B, il me semble. On va s'écouter ça. On va s'écouter le petit Roger. Thank you. Et ben voilà, c'était Roger Troutman sur l'album The Many Facets of Roger. Cette chanson s'appelle, puisque je ne te l'ai pas encore dit, A Chunk of Sugar. C'est donc la dernière tracks de la face A. Je défie quiconque de me dire que ce morceau n'est pas bien. Tu me diras, tous les goûts sont dans la nature. Je déteste cette phrase, même si elle est super vraie. Hein. Mais tous les goûts sont dans la nature, mais quand même. On va passer à un autre vinyle, si tu le veux bien. J'en ai pas beaucoup, hein. Je pense que je dois avoir une... Là, dans ma collection, je dois avoir une soixantaine de vinyles, pas plus. Mais j'en achète au fur et à mesure. De toute façon, avant qu'on arrive à toutes les tracks que j'ai envie de te faire écouter, ou tous les vinyles que j'ai envie de te faire écouter, je m'en serai acheté d'autres de nouveau. Donc, avec la musique, tu peux faire du podcast et c'est quasiment illimité. Je sais pas comment ça va être en termes de droit. Peut-être que ce podcast va crever au bout de 3 minutes parce que je n'ai pas les licences pour les zik. Je sais déjà ce que je vais te faire écouter. C'est un vinyle qui est très particulier pour moi parce que je pense que c'est l'un des vinyles de ma collection que j'ai le plus poncé. Mais en gros, là, c'est vraiment le premier vinyle que j'ai acheté moi-même tout seul. J'avais dit que Roger, c'était l'un des premiers. Celui-ci, c'est vraiment le premier. Je vais même te dire, je l'ai acheté avant d'avoir mon matos, avant d'avoir mon lecteur vinyle et mon ampli, etc. et ma sono, quoi. Parce que je l'ai encore trouvé chez Groove Store, celui-là. Et j'étais rentré comme ça et j'étais tombé sur ce truc. Ça s'appelle Hawaiian Dream et c'est King Creole. Alors, sans déconner, j'ai fait des recherches sur Internet. C'est introuvable, ce truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il me ramène à une chanson d'Elvis Presley. Et c'est de la musique traditionnelle hawaïenne. Et en fait, moi, j'adore la style guitare. C'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Tu vois, genre, vraiment la style guitare hyper cliché que tu retrouves dans la bande-son de Bob l'Éponge, quoi. Qu'à mon avis, tu vois, ce truc Hawaiian Dream, King Creole, je sais pas si c'est un groupe. Je sais même pas si le groupe s'appelle Hawaiian Dream ou si le groupe s'appelle King Creole et quel est le nom de l'album dans les deux, quoi, tu vois. Mais c'est possible que, tu vois, ce soit juste un rassemblement d'artistes de là-bas. Je saurais même pas te dire, c'est de 1973. Le son sera pas terrible parce que je l'ai vraiment poncé. Fais-toi plaise, ça va être bien. Thank you. putain, ça c'est cool ça. Ça fait longtemps que je l'avais pas écouté et ça fait toujours autant plaisir. Avec mon coloc, on était fan quand j'habitais à Paris. Bon, là j'habite à Bordeaux en ce moment. Donc, c'est la première track de la phase B qui donc s'appelle 3 o'clock in the morning et ça a été composé par J. Robledo. Alors, moi je connais pas perso, mais ah merde, putain, je suis trop con. Je me rends compte que j'ai posé mon vinyle dans un truc de glace. Ouais, je mange des glaces, ouais. C'était de Lagendas saveur vanille avec des éclats de noix de pécan. C'était excellent. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se mettre ? Yes. C'est bon, j'ai trouvé. Pff, ça fait chier parce que j'ai l'impression d'utiliser tous mes trucs un peu cool pour le premier épisode, mais en même temps, je me dis c'est cool pour donner l'envie, l'envie aux gens. Je vais te passer un monument qui est incroyable, qui est l'album Troupeau Bleu de Cortex. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de Cortex, c'est un groupe de jazz et c'est français. C'est vraiment très très très très très stylé. Cortex en fait c'est du jazz funk hein, et qui en fait est un groupe qui est dirigé par Alain Millon qui est pianiste donc et compositeur pour ce groupe qui est marocain je crois. Il est absolument génial et en fait j'ai vu Cortex donc pas Reunited parce que bon, tous les mecs qui ont bossé sur cet album qui date de 75 bah, je pense qu'il y en a qui sont décédés je suppose parce que c'était un peu le groupe recomposé et je les ai vus à Paris et il y avait toujours Alain Millon qui est c'est le mec qui reste assis devant son piano mais il a quand même du charisme, c'est quand même extraordinaire. L'ingénieur du son, c'est monsieur Guy Boyer, il faut le dire, parce que l'album est super bien mixé et ça a été donc enregistré entre le 15 et le 16 juillet 1975 au studio d'Amiens. Et on va écouter, moi, ma préférée de l'album, c'est la track qui correspond au nom de l'album, qui s'appelle Troupeau Bleu. Moi, je trouve ça absolument génial. Elle dure 5 minutes. À tout à l'heure. Dans le ciel vert, éclairé trop blanc. Couche-toi dans la terre, respire le vent. Plonge dans la rivière, les infinis blancs. Tes yeux bleus grands ouverts, courent pas le temps. Troupeau Bleu, Cortex, qui est donc la quatrième chanson de la face 1 de l'album. Et truc marrant aussi, sur YouTube, il y a genre un petit documentaire qui est consacré à Alain Millon et en fait ce qu'il fait de ses samples, parce qu'il se trouve que Cortex a été énormément samplé, notamment par des rappeurs, donc il y a eu des rappeurs français, mais notamment par beaucoup de rappeurs américains. Et du coup, en fait, il y a sur YouTube, tu peux voir une sorte de petit documentaire où on est avec Alain Millon. Tu vois que le mec, il est trop content, parce que normal, il reçoit des royalties de fou, parce que t'as plein de mecs qui se servent de ses albums. Et tu vois, le mec va se balader au Puce de Saint-Ouen, qui était, bon, qui l'est toujours, tu vois, mais qui était vraiment à l'époque une place forte de toute cette culture urbaine et rap, et notamment en fait au niveau des t-shirts, où tu voyais que bah, t'avais une culture du t-shirt qui représentait ton groupe, ton rappeur et tout, qui était un truc de malade. Et tu vois Alain Millon qui se balade là-dedans, il est reconnu par des mecs à l'intérieur, des mecs qui ont l'air plutôt jeunes mais qui ont vachement cette culture hip-hop, etc., et qui le reconnaissent parce qu'ils savent que bah, c'est le mec qui fait la musique, qui sert au sample de tel ou tel rappeur, quoi. Et donc c'est assez cool à mater. Every time you write my place, I do wanna say it to you, my babe. I won't be too late. Ok, je sais par quoi je vais finir. L'album s'appelle You Name It et c'est signé par Dynamic Superiors. C'est leur troisième album qui est sorti en 1976. C'est un groupe qui vient de Washington. Et voilà, c'est hyper cool. C'est dans cette mouvance, bah, tu sais, c'est un peu, tu peux le ranger dans le même casier que Roger ou que The Barcase. J'ai d'ailleurs un putain de vinyle des Barcase qui est hyper cool, je te le mettrai la prochaine fois. Là j'ai failli finir par Homeshake, mais je me suis dit que ça allait être un peu down, on va dire, pour finir le podcast. Et voilà, je vais te passer Dynamic Superiors, You Name It, album de 1976, c'est super cool. Still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still waiting, still wa Et donc voilà, Dynamic Superiors, l'album s'appelle You Name It, la chanson que je t'ai fait écouter s'appelle Stay Away, c'est la première chanson de la phase A. Tain, j'avais tellement envie de te faire écouter la phase B, mais je pense que je ferai ça, je pense que je vais pas du tout m'interdire le fait de au fur et à mesure des podcasts, ressortir le même vinyle qu'un ou deux épisodes avant, mais faire écouter une autre chanson. C'est la fin de ce podcast. Je sais toujours pas comment ça s'appelle. Tu verras bien quand ça sortira quel est le nom du truc. N'hésite pas. Enfin, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais faire un Twitter ou des trucs dans le genre. Mais je pense sur SoundCloud ou sur iTunes. Tu pourras mettre des commentaires. Et moi, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que t'en penses. Les vinyles que t'as écoutés, donc c'était Roger, The Many Facet of Roger en premier. Après, t'as écouté Hawaiian Dreams de King Creole. On a eu le droit à un petit Cortex Troupeau Bleu et Dynamic Superiors, You Name It. C'est plutôt cool. Peut-être qu'au prochain podcast, il y en aura 5, peut-être qu'il n'y en aura que 3. Le but, c'est que ce soit pas hyper long non plus, tu vois, genre passer un bon moment, découvrir des sons. M'écouter raconter de la merde, c'est déjà pas mal. On se retrouve peut-être la prochaine fois. Et du coup, je te disais sur les réseaux ou quoi, n'hésite pas à me dire si tu trouves ça bien, si tu trouves ça chiant, si tu trouves ça con, si au contraire tu kiffes. Et si c'est le cas, hésite pas, hein, c'est comme d'hab le même laïus. Lâche un commentaire, j'ai l'impression d'être Norman. Lâche un com, avec un pouce bleu. Non, lâche un petit commentaire, mais je sais pas, mais un petit truc gentil. Et puis si t'aimes pas, au pire, t'es pas obligé de le marquer. Je pense que c'est bien ça aussi. Bon, on se retrouve à la prochaine fois. Passe de bons moments en attendant. Et puis à plus. Allez, ciao.